pêche au sombou. En attaque à mon gars sans B. Écoute ta pépé, il s'emballe. Du viseur 5, vas-y, je me fais sans bol. Je suis pas maître, je fais ça en bol. La France, tout se passe en bas. Y'a du téchi en forme de goût. Le forme ta rambarde qui te fait perdre la bouche. Eh, hey, le poteau n'est pas serein. Car on t'est pas mis sous ce ring. Toujours accompagné de mon flingue. Histoire de faire un peu d'art sur tes fringues. Genre du bâtiment, je vois Ibou sur la ligne de Baltimore. Pour un gramme, une balle, tu meurs. Cette fois, j'ai tiré carnet des balles d'humeur. Je suis dans le Benz avec Chicken. 307 sur ta tête, tu connes. Trop drive-by en bacon. Cagoule pas mes crabes par les bacon. On t'allume si tu déconnes. Dans les jazz avec Pico, on vient faire ta déco. Y'a plus que déconne. Le produit détail dans la VECA. Tu veux poser ce que tu veux, quoi. Viens que je suis ton caca. Fais des soins, fais que des cagas. Fais ton bénéf détail. Fais partir le paquet. Solo, y'a pas de pépite. Pour ça, ton même jusqu'à Pékin. Cash, fais du cash. J'pense qu'à faire du cash. Fais du cash, fais du cash. J'pense qu'à faire du cash. Cash, fais du cash. Cash, fais du cash. J'pense qu'à faire du cash. Je suis dans ce coin, j'entends plus la terre où t'as qui crie yéguette. Je descends en bas, je vois lui en glisse, ça t'était même pas net. Sac pute pellec, tout d'un coup t'envoies une piquette. Ça te prête ta mère, au casse ton délai, tu restes plus qu'un ticket. Elle doit rigacher dans la canette. J'ai boomer, ouais, à toute vitesse. Ça passe ta roche, faut qu'il y ait cette merde. J'ai pas réussi, ça triche, y'a pas de la merde. On teste ta vie comme un virus, parce que t'es pas les chutes, t'es pas mon virus. Je vais pas trop parler, on a les tabous. Moi je suis rigé, va, je m'enfonce dans ma bulle. Y'a ce moqueur qui démarre avec la chiche pisse. Ça te perfore le poumon, y'a pas de chichi. Y'a trop de vessie, la vessie est remplie. Tu peux te prendre une balle et tu sais pas par qui. Reste pas ta parking, il est miné. Je t'épaisse ta plaie et je vois que c'est un ministre. Tu peux finir de le casse comme un minot. Attendez les gars, soit tu sais fait l'IA. Le produit détail dans la VECA. Tu veux poser, tu veux quoi. Viens que je suis ton caga. Fais tes soins, fais toi des cagas. Fais ton bénéf détail, fais partir le paquet. Solo, y'a pas de qui faut que ça tourne même jusqu'à Pékin. Cash, fais du cash. J'pense qu'à faire du cash. Fais du cash, fais du cash. J'pense qu'à faire du cash. Cash, fais du cash. Cash, fais du cash. J'pense qu'à faire du cash. Toi tu nous as visé au toque. Et 5 heures après chez toi on est venu toquer. T'inquiète pas, on va s'occuper de ton cash. Et nous ça se met à force quelques grammes de tonki. J'suis cramé, j'suis posé comme un chauffeur. J'suis pas capté de peur à nous les chefs. C'est Abana si tu nous cherches. Si tu fais le fou, je reviens avec mon gars ma chef. Bref, là j'suis bouillant quand c'était la merde. On a mangé la bouillie. 4-4-40 on s'explose la bouillie. J'suis pas en danger, la fritine ou la bouillave. Cherche mes les grands du square sur votre calendrier à la tête, pas du square. Elle te fait des chocos du soir, parle pas avec choco, ton prolo sera tout raide. Dans le rap, c'est moi qui décide. Je me rappelle même en langage des signes. Qui va parler si je veux que tu décèdes et je t'assure que c'est mort pour toi si je te décide. C'est les grands qui nous ont précédés. La balle à poche, c'est comme ça qu'on procédait. Des gars, on les casse comme décédés. Un poteau à toi a fini de décéder. Le produit détail dans la VECA. Ouais, poteau, tu veux quoi. Viens que je ton caca. Fais des soins, fais toi des cagas. Gros, fais ton bénéf détail. Fais partir le paquet. Solo, y'a pas de pique. Faut que ça tourne même jusqu'à Pékin. Cash,